maintenant. Dis-moi chérie, bon vini, well, mais ou pas là. Garde le ciel là, moi j'ai espoir. Que ou toujours aimé. Toujours aimé. Ou apprêté dans bois. Ou apprêté avec. Je suis pas partie, je suis là. Tu es là. Si près de toi, mais tu ne me vois pas. Oh non, ne t'en fais pas. Moi toujours dans bras. Ouh, moi toujours aimé. Je m'en